vois, comme tu le vois. Je t'aime trop à mon amour. Tu es ma joie, qui me dit le henna. Et si c'est ton nitro. Folle de toi, comme tu le vois. Yawin azizna marro. Le mhibbe, qafra sa. Sendik yawa ghanro. Le mhibbe, qafra sa, sendik yawa ghanro.